Parlons d'abord d'égalité. Égalité des chances, égalité des droits. Pas celle qui plombe à la naissance, parce que celle-là, c'est chacun pour soi. Parlons aussi fraternité. D'où que tu viennes, bienvenue chez moi. En sachant qu'il faut respecter ceux qui sont venus longtemps avant toi. Et puis allons danser, pour oublier tout ça, allons danser. Personne n'y croit, allons danser. Même sur n'importe quoi, mais allons danser, et ça ira. Dire aux hommes qui se sont échoués qu'on peut refaire sa vie plusieurs fois. Sans un mot, tout recommencer. Se prendre en charge et pas charger l'État. Dire aux enfants qu'on va changer l'éducation qu'ils ont par celle qu'ils n'ont pas. Ajouter qu'il faut travailler. Riche et célèbre, c'est comme un chèque en bois. Et puis allons danser, pour oublier tout ça, allons danser. Personne n'y croit, allons danser. Même sur n'importe quoi, mais allons danser, et ça ira. Parlons enfin des droits acquis, alors que tout passe ici-bas. Il faudra bien qu'on en oublie, sous peine de ne plus jamais avoir de droits. Admettons enfin, vous et moi, que nous sommes tous des hypocrites. La vérité ne nous plaît pas. Alors on a le pays qu'on mérite. Et puis allons danser, pour oublier tout ça, allons danser. Personne n'y croit, allons danser. Même sur n'importe quoi, mais allons danser, et ça ira. Allons danser, pour oublier tout ça, allons danser. Personne n'y croit, allons danser. Même sur n'importe quoi, mais allons danser, et ça ira. Allons danser, et ça ira.